easy, not the easy. Ici c'est Paris. Sans moi, Ocho dans le building. PSG, Parc des Princes, Boulby. J'écoute la Dora, ils jouent banane sur banane. J'me fais pépon le dar, j'suis en Panama, rappeur Paname. Quand j'suis en prison, c'est le seul moment où je n'ai pas d'armes. J'vais crever comme un chien, j'monte pas au ciel car je n'ai pas d'âme. A jamais sur le bitume, j'prends une sur le macadam. J'arrête les carrières, à mon actif j'ai 2-3 cadavres. Nombreux sur ma liste, rappeurs, producteurs et quelques journalistes. J'suis là pour le réalisme. Demande à Caris, rien n'égale notre charisme. Négro ici c'est Paris, Harris. C'est la guerre chez nous c'est pas bis. Bagdad c'est la is. Le rap français ma target practice. 9-2 tout est vrai, rien n'est factice. Plusieurs balles pour faux négro car il en cache 10. J'aurais voulu être un artiste, modifier le synopsis. Mais tout est tracé comme le parcours d'un kilo de shit. Easy. Panam, Panam. Les criminels te passent le salam. Moi c'est Saddam, Saddam. Marine Le Pen, c'est toi la racaille. Ouais j'fais l'hella, j'fais l'hella. Pire comme la blanche du Guatemala. Mon pays va mal, va mal. Compte pas sur nous pour tirer la lame. 9-2 empire, négro impérialiste. Si j'étais une femme, j'serais une salope matérialiste. J'm'arrête au feu rouge, MC ne me fait pas la vitre. Mon âme est morte, c'est pas dans les gros titres, j'ai le regard vitre. Ma puissance de feu, nombreux sont ceux qui la fuissent. Ta rivière qui me demande, wesh m'arrête si tu la huisses. Drive-by dans ta grand-mère, lendemain j'me rappelle plus. Tes dailles enfin devenues, je die, je ne m'arrête plus. Ton projet ne m'intéresse pas, j'n'y vois pas de billets verts. Mon projet vient de l'espace, j't'attends de billets verts. Loin du star, j'y pense en faisant du ski nautique. J'te prends matin, midi et soir, billage comme un antibiotique. Mon clic, le crime est banal. Le genre art pas très halal. On bougera plus, même t'appelles l'ONU. Kofi Annan, rap de ouf, tu rap pas mal. Gamo chargé de fouf, pèse comme gros du lard de schnouf. Tu montes sur Panam. Panam, Panam. Les criminels te passent le salam. Moi c'est Saddam, Saddam. Pire comme la blanche du Guatemala. Mon pays va mal, va mal. Monte pas sur nous pour tirer la lame. J'rappe depuis les étoiles, constellation du grisé. Distribue galette de 09 comme des frisbees. Tête dans les nuages, beat sur les épaules. 2-3 connards sans joint de culasse. Et je zépo, zépo. J'rappe sur Easy Lean, Ozen, Ozibeline. Je me hisse dans chien à chevelisse. Parle mal et rap, balle de base dans ce velisse. Mehdi lance le mix dans les yeux de mes frères, dans ce lépice. On boit l'eau du bled dans verre de cristal. Rappelle-toi 882, time bomb, killer freestyle. Tant de guerre, bombarde, aéroport, mitraille, hôpital. J'pars avant tout le monde, j'pars des records, j'suis grave official. Aujourd'hui, voudrait tous nous savoir. Armé jusqu'au cou, j'ai grave du savoir. Trouve-moi au Tchekar ou à Pointe-Noire. Au bout d'un bar, avec Ibou Amar. J'entends le peuple comme Muammar, Easy Money. Panam, Panam. Les criminels te passent le salam.